Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec France Culture. Merci aussi pour vos messages de sympathie, de soutien et de solidarité. Un autre jour est possible en ce vendredi 3 avril. C'est tout d'abord notre série consacrée au polar qui prend fin aujourd'hui avec Alain Léautier qui nous parlera des dernières tendances du livre policier. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et je recevrai le duo Florent Rupert et Jérôme Mulot pour nous parler de leur dernier livre édité par l'association Famille Royale. Evening, Fire Service. Hello, my name is Dick Halloran. I'm the head chef up at the Overlook Hotel. Evening, Mr. Halloran. What can I do for you? Pour commencer, notre série Le Polar dans tous ses états, une série avec Alain Léautier, fin connaisseur des polars de par le monde entier. Aujourd'hui, dernier épisode de notre série et aujourd'hui on parle, Alain Léautier, des dernières tendances du livre policier. Bonjour. Bonjour. Alors, les dernières tendances, on parle de quoi? Des sujets abordés? Du genre qui est en train de muter? Oui, je crois que le genre qui mute, en tout cas sur ses bordures, Ça me semble juste. Il y a depuis relativement peu de temps des écrivains qui sont aujourd'hui aux limites du fantastique, du surnaturel, d'un univers inspiré par le monde de la musique, le monde du rock, le monde de l'électro, qui sont inspirés par la télévision et qui proposent une sorte, vous savez. Il y a cette mode, ou est-ce une mode d'hier, sinon d'aujourd'hui, de ce qu'on a appelé la fusion food. Eh ben, il y a la même chose dans le polar aujourd'hui. Il y a le fusion polar, où on mêle, ce qui vient du fantastique. La littérature fantastique, elle est restée quand même relativement marginale par rapport. Elle n'a pas connu l'essor, l'explosion de la littérature policière. Elle est restée l'apanage d'un lectorat important, certes, mais elle n'est pas reconnue comme telle, si ce n'est quelques auteurs comme Don Simon, par exemple. Là, vous avez toute une génération de jeunes écrivains, souvent d'ailleurs ayant travaillé pour la télévision, des scénaristes, qui incorporent dans les modes narratifs des éléments qui sont liés à leur travail de scénariste à la télé, qui incorporent des thématiques qui sont celles du fantastique et du surnaturel, du mysticisme, et dans des univers qui sont marqués par la virtualité, qui est effectivement quelque chose d'assez contemporain, qui sont marqués par l'électronique, qui sont marqués par les manipulations, par le complotisme sur Internet. Voilà. Mais vous le présentez d'une manière tout à fait positive et j'ai bien envie de vous suivre. Alain Léautier, on peut se poser aussi la question, est-ce que ce ne sont pas des échanges de bons procédés comme le font un peu aujourd'hui les industries musicales quand elles demandent à deux chanteurs d'univers différents de faire un duo pour essayer d'avoir les deux publics en même temps? Est-ce que c'est voulu, c'est calculé, c'est marketé ou c'est au contraire, comme vous semblez le dire Alain Léautier, une nouvelle génération qui a baigné dans plusieurs formes? Non, je crois que les deux, mon lieutenant, clairement, on a une génération d'écrivains qui sont pas des puristes de la littérature, qui n'ont pas été forcément nourris d'études universitaires. Génération zap, clic. Génération zap, clic, génération télé, génération ordinateur, génération monde virtuel, génération sans complexe, qui n'établit pas forcément, même si certains ont des référents culturels, mais qui n'établit pas forcément des hiérarchies figées dans ce qui est supposé être noble, important, essentiel, prestigieux, et ce qui serait secondaire, marginal, sale. On a effectivement cette génération d'écrivains. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Sonatine, qui vient de créer une nouvelle connexion, Super 8 Éditions. Si je ne dis pas de bêtises, son directeur Fabrice Collin explique très bien cette envie de faire connaître cette fusion littérature, cette fusion littérature de genre. Après, le fait même de créer une collection pour ça montre bien qu'il y a une stratégie éditoriale. Mais on jugera sur les produits ce qu'elle vaut. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a des choses dérisoires et il y a peut-être des pistes littéraires. Vous savez bien, vous l'expliquiez vous-même lors de nos précédentes émissions, on ne sait pas ce qui dans 20, 30 ans fera date, sera considéré comme un petit pas peut-être dans la longue histoire de la littérature de genre. Pour revenir à, on va dire, à une dimension plus orthodoxe du polar, ce qui est vraiment très apparu de manière très nette ces dernières années, c'est ce qu'on appelle de manière un peu commode, les catégories valent ce qu'elles valent, elles sont un peu réductrices et disent pas toujours la richesse de ce qu'il y a derrière, mais ce qu'on a appelé le polar ethnique. Voilà. C'est la grande tendance, c'est-à-dire plus la mondialisation avance, plus les écrivains ont à la fois la possibilité d'explorer des territoires qui ne sont pas naturellement nécessairement les leurs, et plus aussi éprouvent le besoin pour certains de s'inscrire de manière très précise dans des territoires. Nous avons un écrivain français qui est un journaliste par ailleurs au Monde, qui a publié ces trois dernières années deux romans concernant les Samis. Les Samis, qui est cette population à cheval entre la Finlande, la Suède et la Norvège. Olivier Truc, puisque c'est son nom. Et qui n'est pas un Sami, lui. Et qui n'est pas un Sami, qui est un Français avec accent du Sud. Unité de population et unité d'enquête. Alors c'est évidemment une manière de sculpter le sort que la modernité a réservé à ces populations, leurs propres conflits. Ce qui est passionnant, c'est que on voit là, quand on est confronté à la modernité, quand on est confronté aux grandes puissances économiques, ceux qui résistent et ceux qui ne résistent pas. Donc on a à la fois du contemporain, un des auteurs les plus connus de ce qu'il est convenu d'appeler le polar ethnographique, il est américain, c'est Tony Hillerman. Il s'est intéressé essentiellement à une population très définie qui était les Navajos. Plusieurs de ses livres ont pour cadre ce qu'on appelle dans l'Ouest américain les Four Corners, qui sont à la frontière de quatre États, et à travers des personnages de détectives Navajo, Tony Hillerman a longuement exploré les soubresauts, les difficultés, les rages, les désespoirs, la violence et les contradictions de la société Navajo. Donc tout est ouvert. Ce qui est clair, c'est que plus le monde devient noir, et plus le roman noir l'explore dans toutes ses dimensions et dans toutes ses communautés. Le monde est aujourd'hui, on peut le regretter ou pas, souvent une addition de tribus. Une des nouvelles pistes de la littérature policière, c'est d'explorer ces tribus, de les raconter, d'en rendre compte, de dénoncer, le cas échéant, ce dont elles sont victimes, mais c'est clairement une des voies nouvelles de la littérature policière. Voilà pour les dernières tendances du livre policier. On n'a pas parlé, Alain Léautier, du polar historique, du polar ésotérique, non ? Le polar historique, c'est... On pourrait en parler, ça fera probablement plaisir à pas mal d'éditeurs, car c'est une bonne partie des ventes. Et tant mieux pour les maisons si ça leur permet de publier des auteurs plus créatifs. Le polar franc-maçon, très grosse vente. Je ne suis pas sûr que ces différents sous-genres fasse beaucoup avancer le Schmilblick polar. Ils sont pas très créatifs, d'un strict point de vue littéraire assez faible, mais ils sont clairement des genres en hausse dans la planète polar. Voilà, notre série est maintenant terminée. Le polar dans tous ses états est disponible à l'écoute en ligne ou au podcast en passant par franceculture.fr, les réseaux sociaux habituels ou iTunes. Une série avec Alain Léautier, journaliste, grand reporter à Marianne, et vous avez aussi coordonné le hors-série Polar de Marianne. Merci Alain Léautier, à bientôt j'espère. Merci, à bientôt. Hey baby, I can't see you tonight. Okay. I have to go somewhere with Mr. Eddie. Sure. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, avec le duo Rupert et Mulot pour parler de leur dernier album édité par l'association. Ils sont très fidèles à l'association Famille Royale. Est-ce qu'on peut parler d'un polar? C'est Florent. Florent Rupert, bonjour. Il y a les ingrédients d'un polar, il y a un kidnapping. Il y a un méchant, il y a une enquête, effectivement, il y a un kidnapping. Il y a une police, il y a la police secrète du Danemark. Uh-huh. Mais est-ce que c'est vraiment un polar? Non, je crois que ça dérape trop pour rester dans la ligne du polar qui a quand même des codes déraper assez stricts. Déraper est le mot juste. Une princesse danoise consulte à Paris un célèbre sexologue visiblement habitué au tracas des têtes couronnées. C'est un bon début d'histoire, même si on sait qu'avec le duo Rupert et Mulot, l'essentiel n'est pas dans l'intrigue proposée, mais dans le traitement qui va lui être réservé. Et c'est toujours jouissif d'aller de surprise en surprise, car ce vaudeville, ce faux vaudeville, ce corse, le sexe, l'argent ne peuvent mener qu'à une suite de violentes scènes, et pas seulement conjugales, puisqu'il y aura des prises d'otages, quelques meurtres, un kidnapping, des flics en civil et des danseuses en tutu qui peuvent s'avérer fatales. C'est quoi le point de départ de cette aventure Famille Royale, Rupert et Mulot? Alors, le point de départ, je crois que c'est... en fait, c'est les livres qu'on a fait avant. Là, on s'est aperçu que les quelques livres qu'on a fait avant, il y avait la technique du Périnée et puis la Grande Andalyse qui étaient des livres où on avait fait des choix plutôt de mettre en scène des histoires. C'était plutôt des livres d'histoire, c'était plutôt classique en fin de compte. Mmh. Et là, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de... D'éclater toute forme de narration. Ouais, et puis s'ouvrir à une forme de fantaisie dans la façon de raconter aussi, effectivement. La technique de Périnée, il y avait une construction de scénario, des enjeux de personnages, des choses plus classiques, comme il disait. Et là, ouais, on avait envie d'un truc plus absurde, plus éclaté, plus romancé aussi. C'est-à-dire que nous, on fonctionne beaucoup avec des ingrédients. Vous parliez des danseuses en tutu, effectivement, il y avait un peu... On l'a déjà utilisé dans le royaume. Mm-hmm. Mais c'est un... Pour nous, c'est un ingrédient de cuisine. Donc on va essayer de trouver des façons d'amener cet ingrédient dans notre histoire. Et il y a d'autres choses. Il y a la volonté de détruire des murs, par exemple, ou d'utiliser des armes, ou de faire voler des personnages. Ou de tuer les gens. Ou de tuer les gens. Et à partir, on amène des idées, on les met en une espèce de banque centrale où on met tous ces trucs-là. C'est grosso modo un père de famille qui va tuer l'amant de sa femme. Et en fait, il ne va pas le tuer comme ça. En fait, c'est qu'en fait, sa fille à lui, à sa femme, rentre en scène et elle a des pouvoirs, voilà. et elle va prendre contrôle du corps de son père, et donc le père va dire genre, c'est pas moi qui contrôle mon corps, en fait c'est vraiment ma fille, elle télécommande de mes bras, et il va tuer donc l'amant. Et en fait ce meurtre qui est traité de manière en fait assez légère, parce que en fait c'est traité de manière plutôt humoristique, hein, pour fabriquer une scène comme ça, comment est-ce que nous on arrive à fabriquer une scène comme ça, c'est que on a des personnages, chaque personnage a un but, ils ont des volontés, ils ont voilà, des caractéristiques, et en fin de compte, juste le fait de les mettre ensemble va, voilà, dans une situation un peu déséquilibrée, va faire qu'ils vont devant nous, un peu comme des marionnettes, se mettre à vivre. Et là, même si c'est un peu sur un mode un petit peu absurde et un petit peu voilà, humoristique, sans qu'on comprenne parfaitement... Si c'est du grand guignol ou de la un vaudeville noir, ouais. Mais en fin de compte, au fond de nous, les raisons sont plutôt claires. On sait, je pense, que là, ce qu'on veut mettre en scène, c'est la volonté d'un enfant de voir ses parents s'aimer à nouveau et se remettre en couple. C'est un enfant qui n'a pas les pouvoirs d'un enfant normal. On n'est pas dans un récit réaliste, mais effectivement, on va voir que dans une famille normale, l'enfant vont... Les personnes de la famille vont, au nom de l'enfant, faire des choses. C'est ce qui se passe dans les familles normales. Et là, on fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au nom de l'enfant, nos personnages vont, voilà, interagir et aller jusqu'au bout de ce qu'eux veulent. On prend des schémas qu'on a vus se faire dans des familles normales, dans les nôtres, par exemple. Et là, on l'applique à des personnages... dans quelque chose d'un petit peu plus absurde et drôle, mais qui, en fin de compte, suit les mêmes mécaniques qui gèrent, en fin de compte, une famille. Les liens d'affection, les enjeux d'amour, les enjeux de retrouvailles ou pas, etc. Et cette envie aussi de représenter le théâtre, de représenter la danse et de représenter Paris, un Paris effectivement pour les têtes couronnées, mais c'est un Paris qu'on reconnaît, c'est le Paris que l'on connaît. C'est aussi important que les protagonistes, que l'histoire. Paris, c'est un peu notre décor de... C'est notre réservoir à fiction. On l'utilise beaucoup. Ouais. Bon, déjà parce que je pense qu'on aime dessiner notre ville, parce qu'on aime Paris, on aime son architecture. Il y a avec notre trait, je crois, quelque chose qui marche bien. Enfin, il y a, comment dire, on a du plaisir à le faire et on va utiliser les décors souvent. Comme Van Gogh, quand il fait un personnage où, en fin de compte, il va faire un portrait et ce qu'il y a derrière le portrait va parler de ce qu'il y a à l'intérieur du personnage. Souvent, on va utiliser nous aussi ce procédé-là, où le décor, l'intention des traits... Alors, bon, c'est un peu difficile de l'expliquer à la radio, mais quand on fait un décor, on va y mettre de l'énergie, on va y mettre de l'intention, de la force ou pas, ou de la légèreté. Et ces choses-là qui sont un peu dures à expliquer, en tout cas quand on les dessine, on le sent tout ça. En noir et blanc. En noir et blanc, ouais. Et donc nous, on fait effectivement souvent ça. Par exemple, à des moments, on va mettre un petit personnage dans un grand décor pour voilà, exprimer la solitude ou pour exprimer des choses que je ne saurais pas bien dire avec des mots, mais qui, quand on le fait en dessin, c'est logique, tout ça se fait assez naturellement, en fait. Vous parlez tout à l'heure du théâtre. Effectivement, nous, il y a du théâtre qui est représenté dans le livre. Nous, on veut juste expliquer, enfin, donner des petits indices au lecteur pour lui dire que ce qu'on lit, effectivement, peut être à interprétation libre. Il y a plein de choses qu'on va mettre, on sait qu'on n'explique pas tout. Et ça peut être dérangeant. Moi, je comprends que des lecteurs peuvent arriver à être un petit peu déconcertés, un peu comme quand on voit un film de David Lynch. Et ben qu'on voit, on arrive dans l'histoire et on comprend pas tout et en fait c'est pas forcément grave. Le sentiment d'être devant des choses confuses, hein, et on se dit mais et de réfléchir en se disant mais qu'est-ce qui se passe. Mais ça c'est votre style, hein. Depuis le temps, ça fait quoi, une dizaine d'années que vous travaillez ensemble, depuis le Depuis vos débuts, depuis Panier de singes, Irène et les clochards, ça, on a commencé effectivement à... Qu'est-ce qui a changé en 10 ans, d'ailleurs? Est-ce que cette complicité que vous aviez au départ, parce que vous étiez jeune, vous veniez de sortir de l'école, cette complicité de dessiner ensemble, de réfléchir ensemble et de créer un univers, une atmosphère, une histoire ensemble, est-ce que comment ça a évolué avec le temps? Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que c'est d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte dans votre travail? Bon, déjà, nous, pour ce qui concerne nous, on est la plus belle histoire d'amour que j'ai connue, moi, à l'échelle de ma vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que mes histoires d'amour avec les filles, en fait, durent moins longtemps que celles avec Jérôme. C'est l'avantage de l'amitié. C'est l'avantage de l'amitié. On a une relation qui est un peu différente de... qui est plus que de l'amitié quand même, parce qu'on passe quand même nos journées ensemble. Mmh. On a des discussions qui sont à l'échelle de nos vies. Je crois qu'on... Le dessin, je pense qu'il faut se dire que le style d'un dessin, ça bouge à peu près à la même, au même rythme qu'une personnalité. C'est pas beaucoup plus rapide. J'ai l'impression qu'un dessin, tu le vois pas changer sous tes doigts. Mais quand tu regardes entre telle année et telle année, en fait, il a évolué. Et à certaines époques, il a ces défauts-là. Et à certaines autres époques, il en a d'autres. Nous, notre dessin, je pense que c'est à peu près pareil. Et je crois aussi que notre style, vu que nous, on est deux dessinateurs, qu'on mélange notre trait et qu'on mélange notre façon d'écrire, qu'on mélange toutes nos envies artistiques, notre boulot, c'est sûr, qui représente aussi notre histoire à nous, notre histoire d'amitié. Et voilà, nous on voit toute cette histoire s'écrire effectivement au fur et à mesure de nos livres. Et j'ai même l'impression que c'est ça qu'on raconte. En fait, on raconte une histoire de deux personnes. Je pense que plein de gens qui sont tout seuls racontent leur vie, leur personnalité à eux. Nous, c'est plus un rapport qu'on décrit dans nos livres. Si, je pense que le fait que dans nos livres, ça soit quasiment une constante, qu'on ait toujours des duos, c'est toujours un peu deux personnes qui soient mises en scène, et ben, je crois que c'est parce que dans le livre, on raconte plus les histoires d'une relation que les histoires d'une personnalité. Quelque chose à rajouter, Jérôme? Non, c'est un point de vue intéressant, effectivement. J'avais l'impression de découvrir ce matin. Non, mais un avis que je partage, bien sûr. Ouais. Bon, on passe à la séance dessin à la radio. Et comme vous le savez, vous qui écoutez cette émission tous les vendredis matin, au moins, c'est un dessin qu'on va retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. Vous allez dresser votre portrait, mais comme vous dessinez, vous faites tout ensemble, et le dessin, et le texte, et le scénario. Je veux bien décrire le duo Florent Rupert en train de tirer leur portrait. Alors, c'est qui commence? Comment vous allez faire? Ah oui, j'avais déjà un petit peu commencé, mais j'ai un peu raté les coupes de cheveux. Peut-être qu'on peut recommencer. Alors voilà, comment on fait d'habitude? Là, Jérôme, par exemple, il a fait un dessin que je vais en fait rayer pour recommencer à zéro, parce qu'il a raté les coupes de cheveux. Et en fait, je vais faire exactement le même, mais en mieux, en reprenant les mêmes angles, les mêmes profils. Et ça, c'est en fait, là, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et là, en fait, je suis en train de parler et dessiner en même temps. Ce qui est très pratique. Ce qui est impossible, normalement. Ce qui est en fait un peu compliqué. Donc là, il y en a forcément un qui se fera au détriment de l'autre. Au détriment de l'autre, merci. Mais pourquoi vous ne parlez pas quand vous dessinez ensemble? Non, en fait, c'est hyper dur. En fait, le dessin en bande dessinée, je pense que le dessin d'observation, c'est un peu différent. Mais le dessin en bande dessinée, c'est un dessin qui se lit, en fait. Quand on lit de la bande dessinée, on va lire le texte, ensuite on va lire les traits du visage. Mmh. Comme je disais tout à l'heure sur les traits du décor, qui en fin de compte vont, qu'on va pas voir mais percevoir, mais qui vont avoir une influence sur ce qui se passe dans l'intérieur et dans les émotions du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, chaque trait qui est fait, en fin de compte, a un but. C'est un peu comme si on écrivait une lettre. Et c'est comme, j'ai l'impression, on ne peut pas écrire une lettre à quelqu'un et lui parler en même temps. C'est vachement difficile. Donc vous parlez avant le dessin, si j'ai bien compris. Ouais, et quand on dessine, c'est silencieusement. Et alors comment vous dessinez à quatre mains? Enfin, c'est la question que j'arrête pas de vous poser depuis 10 ans. Donc cette fois-ci, je vais essayer de voir et de t'écrire comment ça se passe. Eh ben, je crois qu'à chaque fois, en fait, on donne des éléments de réponse donc qui vous conviennent pas parce que, en fin de compte, c'est une cuisine. qu'on cache un peu. En fait, on aime bien, même si c'est quelque chose qu'on partage avec tous les ateliers, les gens de notre atelier, on ne veut pas, si vous voulez, que les lecteurs se posent la question « qui c'est l'artiste ?» Bah, vous êtes tous les deux artistes, on voudrait juste savoir comment vous allez... Ouais, mais en fait, souvent, il y a autre chose derrière cette question. Nous, on ne l'a pas encore trop subi, mais on est amis avec d'autres auteurs qui travaillent en duo comme ça, qui s'appellent Charles Berberian et Philippe Dupuis. Je pensais qu'ils avaient divorcé. Eux ont divorcé, ouais. En tout cas, mais... Leur histoire d'amitié, hein, et de collaboration artistique. De leur collaboration artistique. Pas leur amitié, mais leur collaboration, ouais, ils ne travaillent plus ensemble. Nous, on continue de travailler ensemble, mais en tout cas, la leçon qu'on a eue de les rencontrer, de leur expérience en tout cas, c'est qu'effectivement, il faut mettre une certaine cercle de pudeur autour de ce travail-là, parce que voilà, parce que eux en ont souffert. En fait, ils ont souffert du fait de vouloir être mis dans des boîtes. Alors que le travail artistique, le fait de le mélanger, c'est une mécanique qui est compliquée, qui est bizarre. Mais là, par exemple, je vous vois, vous passez le dessin à Jérôme, qui va vous le repasser. Ce sont des couches comme ça ou... Techniquement, on travaille par calque. Ça, on peut vous le dire. Ah. L'un d'entre nous va faire le décor. L'autre, il va le faire sur une feuille d'un côté. L'autre, ensuite, va prendre ce décor... va, avec une table lumineuse en dessous, mettre une autre feuille dessus et, par exemple, faire les personnages. Ce qui permet de, si jamais on rate les personnages, de ne pas rater le décor de derrière. Et ensuite, ces deux feuilles, donc un avec le décor, un avec les personnages, on va les scanner et sous Photoshop, on va les mettre l'une sur l'autre. Est-ce que c'est un secret d'État que de vous poser la question qui fait les décors, qui fait les personnages, ou c'est interchangeable ? Ce sont deux rôles interchangeables ? Ah oui, c'est interchangeable. Il n'y a pas de méthodologie déterminée à l'avance. C'est aux fonctions, des savoir-faire, des différents... Bien sûr, c'est... On a des spécialités, mais on essaye de ne pas trop se cantonner dans nos spécialités pour ne pas trop s'ennuyer et pour ne pas trop se spécialiser non plus. Pour rester, en fait, dans un truc fragile. On a l'impression que il faut que chaque livre soit fait de manière différente pour ne pas s'ennuyer. Et aussi, pour une autre raison, c'est que comment est-ce qu'on fait évoluer un dessin ? En fait, dans le dessin, il y a, on va dire, 90% de savoir-faire, et puis il y a 10% d'erreurs dans le dessin. En fait, donc, quand on regarde un dessin, il y a, je pense, souvent, on se dit, genre, bah, il est beau, mais il y a ce truc-là qui va pas, il y a cette partie-là qui est pas bien. Et je pense que ces 10% donc de ratage, d'erreurs, sont souvent les 10% auxquels il faut s'accrocher. J'ai l'impression que c'est dans ce terrain un peu de jachère et d'erreurs. Que, en fin de compte, c'est là où il y a le futur, en fait. C'est là où il y a l'ouverture, c'est là où il y a encore la porte est encore ouverte. Donc il y a un dialogue entre nous, bien sûr, pour arriver à construire des pages. Et après, on... Il y a des scènes de ménage de temps en temps ? Une tous les 6 mois, à peu près. Famille Royale, le dernier Rupert Émulot, édité chez l'association. Vous pouvez retrouver l'autoportrait de Rupert Émulot en cliquant sur franceculture.fr à la page de l'émission Notre jour est possible. Merci d'être passé ce matin. Merci. Merci. C'était Un autre jour est possible. On se retrouve lundi. D'ici là, bonne matinée, bon week-end.